La flotte avait une fière allure en quittant le port de l'Argole. 12 coques de noix à l'aventure, juste pour la gloire, une épopée folle. Clan des du sud, clan des du nord, une armée rouge aux coudes à l'air, talis et braco du vieux port. Les prédateurs navalisent vers, faut embarquer le 11 à 11 heures. Pavillon rouge, les Turcs Highlanders, faut embarquer le 11 à 11 heures. Au grand complet, Pierrot, Dédé, toute la clique, embarcation à couple armé, prêt pour la bataille d'Édic. Suite au discours du commandeur, le sang du peuple pouvait couler. Les petits chevaliers dans la clameur levèrent leur verre à l'amitié. Faut embarquer le 11 à 11 heures, à boire au grand commandeur. Ça chauffait dur d'un pont à l'autre. À l'abordage, suceau-roteuse, Rome à la mer, face aux canottes, le rhum giclait des sulfateuses. Un coup de bombarde nord-irlandaise, pendant que la bataille faisait rage. Rentrer au port, il le fallait, s'échouer au nord, faire naufrage. Faut embarquer le 11 à 11 heures, pavillon rouge, les Turcs Highlanders. Faut embarquer le 11 à 11 heures, à boire au grand commandeur, à boire au grand commandeur.